السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ولا نزال حامدا إياه سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة التي نتنعم فيها يوما بعد يوم في ديننا ودنيانا، والتي لا نستطيع إحصاءها ولا عدها. ولا شك أن من أعظم هذه النعم، بل أعظمها، نعمة الإسلام والإيمان، اللذان ينقذان المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل والضلال إلى هداية النور والإيمان، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واصفا هذه الحال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc, nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits immenses et innombrables qu'il ne cesse de nous accorder subhanahu wa ta'ala, que ses bienfaits soient religieux ou mondains, qu'ils soient apparents ou cachés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez point les dénombrer ou les cerner. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et il n'y a aucun doute que parmi les plus immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, et même le plus immense des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, nous avons le bienfait de l'islam wal iman wa yatba'u dhalika al-ilm. Le bienfait de l'islam, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul, le bienfait de la foi et le bienfait de la science. L'islam ou l'iman, la foi et l'islam par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir et sauve les croyants des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres de l'égarement, des ténèbres de l'errance, pour les guider vers la lumière de la science, la lumière de la guidée et la lumière de la certitude. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset: Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés, sont le Tawhout, qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc, cet islam, هذا الإسلام, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'enfant d'Adam, et par lequel il lui permet d'atteindre les plus hauts degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, il est important, et même il incombe à tout musulman d'estimer ce bienfait à sa juste valeur, et de se rendre compte de la valeur de cet immense bienfait et son impact positif qu'il aura sur lui, fi dunya qabla al-akhirah, dans ce bas monde, avant l'au-delà. Et donc, après cela, à chercher à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense, cela par le fait de l'apprendre, de le mettre en pratique et de s'y accrocher fermement, et de prendre garde à toute chose qui peut venir nuire, amoindrir cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et cet islam par lequel Allah subhanahu wa ta'ala honore le musulman. Et donc, parmi les moyens qui vont aider le serviteur, qui vont permettre au serviteur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'atteindre cela, en plus du fait d'apprendre sa religion et de méditer sur ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié l'islam et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme bienfait découlant de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul. En plus de cela, il y a le fait de méditer sur son inverse, ce qui vient contredire cet islam. Car comme il a été dit dans le Mathal al-Arabi, comme l'auteur rahimahullah va nous le citer, « بِرِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَالْحُسْنُ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الْضِدُّ » Yani, les choses, par leur inverse, deviennent plus claires, apparaissent de manière plus claire. Et une chose qui est bonne ou bien qui est belle, alors le fait de voir son inverse permet de démontrer de manière plus claire la beauté de cette chose. Donc, ici en l'occurrence, parmi ce qui va aider le serviteur, le musulman, à comprendre et à méditer et à percevoir le bienfait de l'islam et se rendre compte de sa valeur, le fait de méditer sur son inverse. Et donc ici en particulier, sur la période qui précède l'islam, al-jahiliya. Donc la période anti-islamique, la période pré-islamique. La période dans laquelle la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'islam, n'était pas encore sur terre. Ou à une période où elle a moindri et du fait du long moment qui est passé entre l'envoi du dernier des messagers qui est venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette lumière n'était pas présente. La lumière de la science, la lumière de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière de la connaissance du vrai et du faux, de ce par quoi on peut distinguer le vrai et le faux, n'était pas présente. Et comme nous le savons, Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs fois décrit dans le Coran ou qualifié le Coran et l'islam comme étant une lumière. Une lumière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens. Donc ici, le fait de méditer sur cette période-là, qui est al-jahiliya, dans laquelle l'islam n'était pas présent, et de voir ce sur quoi ils étaient, permet de comprendre le bienfait de l'islam, ce avec quoi il est venu. Et ici, quand nous parlons de l'islam, on parle en particulier de l'islam avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous savons que l'islam est la religion de tous les messagers. Et tous les messagers sont venus avec l'islam, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de l'adorer lui seul. Mais ils vont se distinguer par leur législation. Donc ici, nous savons que le dernier des messagers qui a été envoyé aux enfants d'Israël, qui est Isa ben Maryam, Isa fils de Maryam, a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Puis après cela, nous avons une période de fatra, qui est appelée al-fatra, la période dans laquelle aucun messager n'a été envoyé. Et cette période qui a duré une longue période, qui a duré un long moment, dans laquelle beaucoup de gens et la majorité des gens, des enfants d'Adam, se sont égarés et ont pris des voies qui sont contraires à celles avec lesquelles sont venus les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de savoir et de méditer sur cette période-là permet de voir de manière plus claire et plus apparente le bienfait de l'islam et ce avec quoi il est venu. Donc cette période qui est appelée Al-Jahiliya. Al-Jahiliya, qu'on traduit comme étant la période pré-islamique ou la période anti-islamique, qui est en réalité, si on prend la traduction du terme utilisé en arabe, la période qui est affiliée à l'ignorance et qui est imputée à l'ignorance. Car le mot Al-Jahiliya, qui est cité dans le Coran et dans la Sunna, a comme racine le mot Jahl. Donc a comme nom verbal le mot jahlun, qui veut dire ignorance. Jahila yajhalu, être ignorant d'une chose. Donc cette période-là s'affilie à l'ignorance. Car c'est une période, comme cité, qui, du fait de son éloignement de la révélation et de la lumière de la révélation, al-wahy, va être imputée à l'ignorance et donc aux ténèbres, au manque de lumière, au manque de révélation, au manque de ce par quoi on peut distinguer le vrai du faux, ce par quoi on peut distinguer ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui lui déplaît, ce par quoi on peut savoir et distinguer le chemin qui mène à la réussite et à la réforme fi dunya wal akhirah. Donc une période qui est imputée à l'ignorance, al-jahl. Et cela suffit en réalité comme blâme. Et donc, tout acte ou parole dans le Coran ou dans la Sunna qui vont être imputés à al-jahiliya vont venir pour être blâmés. Ce sont des actes dont lesquels on a été mis en garde. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre par cela que ce sont des actes qui reposent sur al-jahiliya, sur l'ignorance. Donc, des actes qui ne sont pas basés sur la révélation, sur lesquels on n'a aucune preuve qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ces actes ou les agrée. Bien au contraire, on a des preuves textuelles qui nous montrent que ce sont des actes qui sont blâmables du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait imputés à al-jahiliya. Donc, ici, le musulman a comme devoir de connaître cette jahiliya, de connaître ces actes qui sont de al-jahiliya. Comme on va le voir, pour plusieurs raisons. Premièrement, car ça lui permet de voir le bienfait de l'islam et de comparer entre ce mal dans lequel était Ahlul Jahiliya et le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala est venu. Deuxièmement, car cela lui permet de prendre garde à ces choses-là. Car s'il ne connaît pas ces choses-là, il peut y tomber par ignorance. Donc il doit répugner, il doit détester ces actes et détester toute personne qui pratique ces actes-là et prendre garde à ne pas ressembler ou à adopter la voie de Ahl al-Jahiliya. Et donc, al-Jahiliya, ici, englobe tout ce sur quoi étaient les gens avant la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam comme acte par lesquels ils vont contredire la religion des messagers ou ils vont contredire ce qui a été légiféré comme religion par les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela va englober plusieurs catégories de gens, plusieurs voies. Nous avons la voie de l'Arab qui est à l'époque de l'Jahiliya, donc les Arabes qui étaient à l'époque de l'Jahiliya, Mushrikul Arab. Nous avons aussi l'Yahoud, les Juifs. Nous avons Al-Nasara, les Chrétiens. Nous avons Al-Majous, les adorateurs du feu, et autres. Toutes voies qui étaient présentes à cette époque et qui étaient sur des actes ou des croyances ou des pratiques que l'islam est venu contredire, qu'on va appeler al-Jahiliya. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces voies ont été éclaircies dans le Coran et dans la Sunna. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala impute des actes à al-jahiliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam impute des actes à al-jahiliya. C'est pour nous faire comprendre que ces actes-là sont basés sur al-jahiliya. Donc, prendre garde à ces actes-là et qu'ils viennent contredire la lumière de l'islam et ce avec quoi est venu les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette jahiliya peut être imputé à un temps, comme cité, la période qui précède la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam, tout comme elle peut être imputée à un lieu, à des lieux, ou bien à des personnes. Taïb, à un temps, à un lieu, ou bien des lieux, ou bien des personnes. D'une autre manière, elle peut être divisée en deux catégories. Une jahiliya mutlaqa, et une jahiliya muqayyada. Une jahiliya mutlaqa, c'est-à-dire une jahiliya, une période d'ignorance totale. Et une jahiliya mutlaqa, muqayyada, qui va être une période d'ignorance de jahiliya, qui va être délimitée à un temps particulier, à un lieu particulier, ou à des personnes en particulier. Quant à la jahiliya mutlaqa, qui concerne le temps, alors on ne peut plus la citer après l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam, la jahiliya qui est totale. On ne peut plus dire que nous sommes à une époque où la jahiliya, la période de l'ignorance est totale. C'est impossible. Car après l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de la révélation est présente. Même si elle peut être amoindrie dans certains lieux, dans certaines périodes. Mais la vérité sera toujours présente, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq. Il ne cessera d'y avoir une partie de ma communauté sur la vérité. Donc la vérité sera toujours présente. Donc la jahiliya al-mutlaqa ne peut être citée qu'avant l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc après son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir une jahiliya concernant le temps qui va être muqayyada, qui va être délimité à un temps particulier. Comme par exemple de citer qu'à certaines périodes, les gens se comportent avec une jahiliya. Ils font des actes de la jahiliya. Ils font des choses qui sont interdites. Comme vont le faire certaines sectes qui s'affilient à l'islam, ou les koufars, ou certaines sectes qui s'affilient à l'islam, comme le fait de se réunir sur des actes shirkiya, qui sont du shirk, ou bien qui sont des innovations, des bidas, dans un temps particulier, dans une période particulière. On pourra qualifier ce temps-là, cette période dans laquelle ils se réunissent, comme étant une période de jahiliya qui va être délimitée à ce temps-là. Mais on ne pourra pas dire que c'est une jahiliya qui est totale, car dans le temps, cela n'est plus possible après l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela est pareil pour al-jahiliya concernant les lieux. On pourra avoir une jahiliya, des actes de la jahiliya qui vont être présents dans des lieux délimités. Et cela même en terre d'islam. Même en terre d'islam. Et à l'inverse, on pourra qualifier les pays de mécréants comme ayant une jahiliya totale, dans le cas où il n'y a que des mécréants. Tayyib. Comme des terres dites de mécréants qui sont en guerre contre les musulmans où il n'y a que des mécréants, où la jahiliya sera totale. Et en terre d'islam, on peut avoir des lieux où la jahiliya est présente. Et là, une parenthèse, cela peut être une ambiguïté pour certaines personnes qui vont dire, oui, en terre d'islam, nous avons les mêmes actes qu'on peut voir en terre de mécréants. Nous avons la même jahiliya qu'on peut voir en terre de mécréants. Alors pourquoi émigrer en terre d'islam? Pourquoi aller vivre en terre d'islam alors que je vois des actes qui sont interdits? Je vois du mensonge, je vois des formes de shirk, je vois des innovations, je vois. Hada khata. Car la jahiliya qu'on va imputer aux terres d'islam va être une jahiliya qui va être délimitée à un temps particulier, à des lieux particuliers. Mais de manière générale, ces pays-là sont les pays où la lumière de l'islam, la lumière du tawhid, la lumière de la sunna est présente. Et deuxièmement, ce sont des terres qui ne vont pas combattre la personne qui veut pratiquer la lumière de l'islam. Donc même si ces gens qui font de la jahiliya qu'ils vont imputer à l'islam, ils ne vont pas t'empêcher toi de pratiquer la lumière avec laquelle est venu l'islam. Contrairement aux terres de mécréants, où même si on peut voir certaines formes d'islam présent, on va voir ce pays-là combattre le musulman et ne pas lui accorder la liberté de pouvoir pratiquer ce avec quoi est venue la lumière de l'islam. Tayyib. Donc ici, cette jahiliya, comme cité, peut être pour des temps, pour des lieux ou bien pour des personnes. Pour des personnes, comme il a été rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Abu Dhar radiyallahu anhu, lorsqu'il avait blâmé Bilal radiyallahu anhu par le fait que sa mère soit noire, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit A'ayyartahu bi ummi, innaka mru'un fika jahiliya. L'as-tu blâmé par sa mère? Tu es certes une personne dans laquelle se trouve de la jahiliya. Et nous savons qu'après cela, donc Abu Dharr radiyallahu anhu s'est repenti de cet acte-là. Donc ce qui est voulu ici est de citer le fait que cette jahiliya peut être imputée à des personnes. Une personne qui a de la jahiliya, qui pratique des actes de la jahiliya. Comme elle peut être imputée à des lieux ou bien à une époque. Et tous ces actes-là vont être blâmés et il va être demandé aux musulmans de s'en écarter, d'y prendre garde, de connaître leur caractère interdit pour pouvoir être à l'abri de tomber dans ces maux-là. Donc ici, le musulman lui-même peut adopter certaines khisal, certains attributs de al-jahiliya, et donc il doit absolument délaisser ces actes-là, et celui qui voit cela doit faire en sorte de prendre garde à le suivre dans ses actes. Et donc, ici, l'auteur rahimahullah a appelé cet épître Masailul Jahiliya. Donc, les sujets, les actes qui vont être imputés à la jahiliya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire. Donc le fait de connaître ces actes ont une importance capitale. Parmi l'intérêt qu'on a à savoir et à connaître ces actes, comme cité premièrement le fait de voir le bienfait de l'islam à travers ce qu'il contredit, à travers son inverse. Deuxièmement, le fait de pouvoir se prémunir et se préserver de ce mal, car celui qui ne connaît pas ces choses-là peut être amené à y tomber. Et parmi ce qui montre l'importance de connaître al-jahiliya pour s'en préserver, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les personnes les plus détestées auprès d'Allah sont au nombre de trois. Et il a cité sallallahu alayhi wa sallam parmi ces personnes toute personne qui cherche à accomplir dans l'islam des actes de la jahiliya. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. C'est-à-dire, il cherche à accomplir dans l'islam ou à faire revivre en islam des actes qui étaient des actes que faisait Ahlul Jahiliya. Ou bien que cette personne ne cesse et ou bien ne délaisse pas cet acte qui fait partie des actes de la Jahiliya après que la vérité lui soit parvenue. Donc il est constant et il veut rester sur cela. Et c'est une chose que chacun peut voir et qui, des actes qui sont nombreux, comme l'auteur va en citer certains, le fait de vouloir s'accrocher à ces actes de la Jahiliya. Ces actes qui ne reposent sur aucune preuve, mais soit sur le suivi des passions, ou bien le suivi aveugle de ce sur quoi étaient les ancêtres ou les parents, ou bien le fait de s'entêter sur des choses dans lesquelles on aura un intérêt mondain, même si on sait que ces choses vont à l'encontre de l'islam. Hadi min umur al-jahiliya. Donc cette personne fait partie des personnes qui sont les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadu al-rijal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui nous montrent aussi l'importance de connaître les actes de Ahl al-Jahiliya, ce qui a été rapporté d'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui a dit: l'aisance de l'islam, certes, l'aisance de l'islam ne vont cesser de se dénouer l'une après les autres, les unes après les autres, lorsque grandira dans l'islam des personnes qui ne connaissent pas la jahiliya. C'est-à-dire que viendra des gens qui sont musulmans, ou bien entrent en islam, ou bien grandissent dans l'islam, mais ne connaissent pas al-jahiliya, ne connaissent pas le mal qui était dans le jahiliya. Et celui qui ne connaît pas le mal n'est pas à l'abri d'y tomber, par ignorance, ou bien par entêtement, par suivi des passions. Ici, le premier cas est par ignorance, car il ne connaît pas le mal. Donc Shaitan peut lui faire croire que ces actes-là sont des actes de bien. Et Shaitan va lui enjoliver ces actes-là, surtout s'il voit des gens de haut rang ou des gens qui ont une haute place auprès de lui accomplir ces actes-là, comme ses parents, ses grands-parents ou autres. Enfin, ici, cette personne-là va être exposée à ces actes de la jahiliya, et si elle ne les connaît pas, si elle n'a pas avec elle les preuves qui montrent que ce sont des actes qui sont interdits, elle peut y tomber. Ou bien si elle les connaît, mais elle n'a pas les preuves par lesquelles elle peut les réfuter, elle peut être exposée à une situation où elle ne pourra pas exposer la vérité. Donc ici, le fait de connaître ce mal-là. Car comme il a été dit, « Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi ». Donc j'ai appris à connaître le mal, non pas pour le mal en lui-même, mais pour pouvoir m'en prémunir et m'en préserver. Et comme il a été rapporté de Hudhayfa ibn al-Yamān radiyallahu anhu qui a dit: les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, et moi je le questionnais à propos du mal par peur d'y tomber. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الله سبحانه وتعالى نجد القرآن ولتستبين سبيل المجرمين. D'après le sens du verset, et pour que la voie des mujrimin, des criminels, soit claire et apparente. Donc parmi les buts et parmi ce qui est cité dans le Coran et dans la Sunna, le fait d'exposer le mal dans le but de s'en prémunir et de le connaître et de pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Donc celui qui ne connaît pas le jahiliya peut être amené à tomber dans ces actes-là, même plus encore à les défendre et à combattre dans le but de ces actes de al-jahiliya, en pensant par cela faire du bien, en pensant par cela faire du bien et défendre l'islam. Naam. Donc ici, l'auteur rahimahullah va citer plusieurs actes qui sont imputés al-jahiliya. Taban, étant donné que cette daura, donc ces assises, ne vont durer que 3 jours, nous n'aurons pas le temps de citer et de lire tous les actes que l'auteur va citer, rahimahullah. Mais le but ici est d'ouvrir la porte et donner la clé à chaque personne qui écoute ses propos, qu'elle puisse comprendre le chemin qu'elle a emprunté et le chemin qu'elle doit emprunter, et qu'elle puisse savoir le sens de al-jahiliya et l'importance de connaître les actes de al-jahiliya. Et comme cité donc parmi ceux qui permettent de comprendre mieux le Coran, le fait de connaître le Jahiliyyah. Car nous voyons dans le Coran beaucoup de choses qui sont citées, certains actes qu'on peut aujourd'hui ne pas voir. Mais le fait de savoir à quel moment le Coran a été descendu et sur qui il a été descendu et quels sont les actes que faisaient ces gens-là permet de comprendre l'importance de ces versets, permet de comprendre la réforme avec laquelle ils sont venus. Et par la suite, lorsqu'on voit des personnes refaire vivre ou bien vouloir redonner vie à ces actes qui étaient à l'époque de l'Jahiliya, le fait de détester ces actes-là et de voir le mal immense vers lequel ces personnes nous appellent. Car en plus de nous appeler à des choses qui sont interdites, ils nous appellent à revenir en arrière, à revenir à une période où la lumière n'était pas présente, la lumière de la révélation. Donc ils nous appellent à un mal total, que ce mal soit mondain, qu'il soit religieux, ou bien qu'il touche à l'au-delà. Et l'auteur, rahimahullah, donc commence par le premier de ces sujets, la première de ces masa'il, qui est al-shirk, qui est al-shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Il nous dit, rahimahullah, donc ceci, ce qu'il va citer, sont des points, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire parmi les choses sur lesquelles étaient les gens de Al-Jahiliyyah, les partisans de Al-Jahiliyyah, qu'ils fassent partie des gens du livre, donc Al-Yahoud wa Nasara, ou bien des Ummiyin, des illettrés, qui sont le peuple des Arabes. Il nous dit, mimma la ghinan lil muslim an ma'rifatiha, qui font partie des choses qu'aucun musulman ne peut ignorer. Qu'aucun musulman ne doit ignorer, des choses dans lesquelles aucun musulman ne peut se passer. Car comme cité, le musulman doit connaître le mal pour s'en préserver, pour être à l'abri de ce mal. Puis il nous dit, donc comme cité, le fait de connaître l'inverse d'une chose qui est belle et qui est bonne permet de rendre cette chose encore plus apparente et de voir de manière encore plus apparente le bienfait de cette chose qui est ici, l'islam. Puis il nous dit, rahimahullah, al-mas'alatul ula, donc le premier des sujets, annahum yata'abbaduna bi-ishraki s-salihin fi du'a'illah wa ibadatih, yuriduna shafa'atahum inda Allah, bidhannihim anna Allah yuhibbu thalik, wa anna s-salihin yuhibbunah, كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Il nous dit, رحمه الله, donc le premier des sujets, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire, ou dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire Ahl al-Jahiliyyah, le fait qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils cherchaient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'associer des serviteurs pieux à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leurs invocations, dans leurs adorations qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent vouloir par cela obtenir leur intercession auprès d'Allah. Et ils pensent que cela est une chose qu'Allah aime et une chose que ses serviteurs pieux aiment. Allah nous dit à ce sujet, d'après l'essence du verset, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur être profitable. Et ils disent, cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah nous dit, d'après l'essence du verset, « Et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Donc ici, Leur état est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de prétendre par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a ici l'acte qu'ils font premièrement. Deuxièmement, l'ambiguïté avec laquelle ils viennent. Un point important à retenir, c'est que ceux qui font du shirk, comme une chose que nous voyons à notre époque, même chez les musulmans et des gens qui s'affilient à l'islam, vont premièrement faire cet acte-là qui est un acte de jahiliya, qui est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Mais ils ne vont pas se contenter de cela. Ils vont aussi apporter des ambiguïtés par lesquelles ils vont prétendre cautionner ce qu'ils font comme acte, qui est du shirk. Donc ici, l'acte est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Comme ceux qui vont aller tourner autour des tombes, qui vont aller faire des vœux pieux pour les tombes, qu'ils vont aller lorsqu'ils ont un mal ou une chose qui les peine, aller voir un sorcier ou un marabout ou un devin pour leur demander d'exaucer leurs vœux lorsqu'ils ont un malade, d'aller voir un sorcier ou autre dans le but de guérir leur malade et donc à travers cela lui vouer des actes d'adoration. Lorsqu'ils ont un manque de pluie, d'aller sacrifier, d'aller faire des vœux pieux autour d'une tombe pour lui demander à ce mort d'intercéder auprès d'Allah pour avoir la pluie ou autre. Donc des actes qui sont des actes de l'jahiliya et qui sont du shirk. Mais leur ambiguïté ici est de dire que nous demandons et nous recherchons la shafa'a auprès d'eux. C'est-à-dire que nous savons que ces personnes-là ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'ont pas créé les cieux et la terre. Ne nous ont pas créés. Nous savons que c'est Allah qui a créé tout ça. Comme ce que vont dire aujourd'hui les gens qui adorent autre qu'Allah. Mais ces personnes-là ont une place auprès d'Allah. Ce sont des alliés d'Allah. Ce sont des awliya. Ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voulons par cela que ces personnes-là transmettent à Allah subhanahu wa ta'ala nos demandes et que Allah exauce nos demandes. Et ceci n'est qu'une ambiguïté. Et tout cela est faux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté leurs propos. Dans le premier verset où ils disent « Ha'oula ishufa'auna indallah » Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah finit le verset par sa parole « قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ dit ô toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc Allah a appelé cela de l'association. Eux, ils ont appelé cela la shafa'a et Allah a appelé cela de l'association. Dans le deuxième verset où ils disent qu'ils n'adorent autre qu'Allah que pour que ces personnes les rapprochent davantage d'Allah, Allah réfute leurs propos par sa parole. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Certes, Allah ne guide pas toute personne qui est menteur et ingrat, grand ingrat. Donc, leurs propos sont des propos qui sont mensongers. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucunement légiféré cela. Mais on peut avoir des gens qui vont être trompés justement par ces actes et par ces ambiguïtés-là. Voilà l'importance de connaître, car celui qui a compris que cet acte-là est un acte de al-jahiliya, des personnes qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui ont combattu l'envoi de la révélation, comprend que cet acte est un acte qui est blâmable. Puis en plus de cela, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela dans le Coran et a montré que cela est un égarement. Et l'auteur, rahimahullah, a réfuté cette ambiguïté-là dans un autre de ses épîtres, qui est les quatre règles, dans lesquelles il montre que cela est faux, que Ash-Shafa'a est, comme nous le savons, de deux catégories. La première des Shafa'a, donc l'intercession, est celle qui est légiférée, qui est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement de faire intercéder pour nous certaines personnes au Al-Qiyamah. Donc cette demande se fait à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande « Oh Allah !» Fais en sorte que ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intercède pour moi yawm al-qiyamah. Car le fait de demander est une invocation. Et deuxièmement, cette shafa'a ne se fait que par l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que pour les gens du tawhid. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète a une invocation qui est exaucée. Et j'ai gardé la mienne pour qu'elle soit une intercession pour ma communauté yawm al-qiyamah. Et elle sera pour toute personne qui meurt en disant « La ilaha illallah », donc qui meurt sur le tawhid, et en ayant cette parole qui provient de son cœur de manière véridique ou sincère. Donc, cette shafa'a est pour le tawhid. Quant à la deuxième, celle que les mouchikoun prétendent, Allah l'a réfutée plusieurs fois dans le Coran, comme dans sa parole « Wa la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in » et « L'intercession de ceux qui intercèdent ne leur sera profitable en rien ». Ça, c'est pour les mouchriquines. Et ils diront aussi, Fama lana min shafi'in. Nous avons aujourd'hui aucun intercesseur. Donc personne ne pourra intercéder pour eux, car ils sont morts sur du shirk et car ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des mas'alas est la mas'ala du shirk. Et qui est la mas'ala qui est la plus importante de ce livre. Comme nous le dit le cheikh Saleh Ibn Abdul Aziz al-Sheikh rahimahullah dans son commentaire de cet épître. Il nous dit rahimahullah. وَهَذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ceci est le sujet le plus important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit Ahlul Jahiliyyah. فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ. Donc il est venu sallallahu alayhi wa sallam avec la sincérité et le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ. Et il a informé que ceci est la religion d'Allah par laquelle il a envoyé tous les messagers. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler que nul ne mérite l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc la religion avec laquelle est venu tous les messagers qui contredit ce sur quoi est et était Ahlul Jahiliyyah. Et il a informé sallallahu alayhi wa sallam أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا الْخَالِسِ. Que n'est accepté des œuvres que ce qui a été fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Coran d'après le sens du verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et en étant hunafa. Le hanif est celui qui dévie du shirk pour se diriger vers le tawhid, qui dévie du fait de s'accrocher à autre qu'Allah en se dirigeant vers Allah subhanahu wa ta'ala seul dans tous ses actes d'adoration. Puis il nous dit rahimahullah, hafidahullah, et il a informé que celui, que toute personne qui fait cela ou qui considère cela comme étant une bonne chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis et que sa demeure sera l'enfer. Comme Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Cela, la parole de Isa ibn Maryam. Car certes, celui qui est associé à Allah, alors Allah lui a certes interdit le paradis et sa demeure et sa destination sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes n'auront aucun secoureur, entre autres les intercesseurs. Il nous dit, hafidhahullah, donc le cheikh Saleh ibn Abdul Aziz al-Sheikh, hafidhahullah, وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تُفَرِّقُ النَّاسِ أَوْ تَفَرَّقَ النَّاسُ لِأَجْلِهَا. Et ceci est le sujet pour lesquels, à travers lesquels, les gens se sont divisés. بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَكَافِرٍ. Entre eux, musulmans et mécréants. وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. Et pour ce sujet-là, l'inimité est apparue entre les gens. Et pour ce sujet-là, le jihad a été légiféré. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. D'après le sens du verset, et combat-les jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune forme de polythéisme, de fitna, et que la religion tout entière soit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ici, al-ishraku billahi subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc, le cheikh rahimahullah, le cheikh Abdul Aziz Ali, cheikh rahimahullah, nous détaille cela en nous disant que donc ce sujet est le plus important et que ce qui l'incombe de savoir est que Ahlul Jahiliyyah, lorsqu'ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, étaient de trois catégories. La première catégorie, ceux qui associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes et des messagers. La deuxième catégorie, ceux qui associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs pieux parmi les hommes, qui ne sont pas des prophètes et des messagers. La troisième catégorie, ceux qui associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des anges. Et on parle ici de ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala des êtres. Car nous savons que nous avons aussi ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala des astres, comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles, ou bien ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala des arbres, ou bien des pierres, ou autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune différence entre toutes ces catégories. Car toutes se réunissent sur un seul point, qui est le shirk, le fait d'avoir mis des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, al-mushrikoun, ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs pieux, ou bien des serviteurs qu'ils prétendent être pieux, vont dire et vont essayer de faire une distinction entre celui qui adore un serviteur pieux et celui qui adore une statue, ou bien celui qui adore un arbre, ou bien celui qui adore une pierre ou autre. Et ils vont prétendre, cela fait partie de leurs ambiguïtés, qu'il y a une différence entre les actes sur lesquels étaient Ahlul Jahiliya, qui sont blâmables, qui sont le fait d'adorer des statues et des pierres et des arbres, et ce que eux font à cette époque. Ils vont dire « Nahnu na'budu ibadan salihin ». Nous, nous adorons des serviteurs pieux, des serviteurs qui ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nous prenons comme intercesseurs des serviteurs pieux, ou bien nous prenons comme intercesseurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment pouvez-vous nous taxer de shirk? Comment pouvez-vous prétendre que nous sommes égaux à ces premiers mécréants, à ces mushrikoun? La réponse est que cela est faux. Car el mushrikoun el awwaloun, parmi eux, il n'y en avait qui adoraient des statues, na'am, des pierres, na'am, des armes. Mais il y en a parmi eux ceux qui adoraient des serviteurs pieux. Il y en a parmi eux ceux qui adoraient des prophètes et messagers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et lorsque Allah dit à Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens de me prendre, moi ainsi que ma mère, comme divinité en dehors d'Allah? Allah nous dit aussi, d'après l'essence du verset, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Et le jour où il les réunissera tous ensemble, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens adoraient? Et les anges répondront, subhanak, se désavoueront de cela. Donc, ce qui montre que parmi Ahl Jahiliya, il y en a qui adoraient les prophètes et messagers, ici en l'occurrence Isa ben Maryam, ou bien les anges, et aussi les serviteurs pieux, comme Allah nous dit d'après le sens du verset. D'après le sens du verset, ceux que ces gens-là adorent recherchent auprès d'Allah la proximité et espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. Ce verset est descendu pour une catégorie de mushrikoun qui adoraient des serviteurs pieux. Il a été dit qu'ils adoraient des djinns qui, eux, se sont convertis à l'islam et étaient devenus pieux. Mais ces gens-là continuaient quand même à les adorer. Donc, Ahl Jahiliya, parmi eux, il y en avait qui adoraient des serviteurs pieux, des prophètes et messagers, des anges, tout comme il y avait parmi eux certains qui adoraient des statues, des pierres, des arbres ou autres. Taïb. Mais ici, il y a un point que l'auteur Rahimahullah cite dans un autre de ses épîtres pour montrer que ces mouchrikoun qui sont à cette époque font des actes qui sont pires que ceux que faisaient les premiers mouchrikoun. Ce point est que les mouchrikoun al-awwaloun, malgré le fait qu'ils étaient sur le shirk et que leur fin sera l'enfer pour l'éternité, pour celui qui meurt sur le shirk, prenaient comme intercesseur des serviteurs qui étaient réellement pieux, comme les prophètes et messagers, comme les anges. Alors que de nos jours, les mushrikoun vont adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs qui n'ont aucune forme de piété. Des serviteurs qui sont plus proches de la mécréance que de la foi. Ils vont adorer des personnes qu'ils ne prient pas. Ils vont adorer des personnes qui font du shirk de manière claire. Ils vont adorer des personnes qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui appellent au shirk. Puis ils vont appeler ces personnes-là awliya, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en faisant cela, ils ont accompli un acte qui est dans un égarement plus profond que celui dans lequel était al-mushrikoun al-awwaloun. Wa in kana al-kull muttasif bi shirki billahi azza wa jalla. Même si chacun d'entre eux sont taxés et ont comme attribue le fait d'être mushrikoun, et donc s'ils meurent sur cela, on sont voués à l'enfer pour l'éternité. إذن هذه هي المسألة الأولى. Donc ceci est la première des mas'alas, donc qui est la mas'ala la plus importante, car c'est celle qui va distinguer entre le croyant et le mécréant, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Alors que ce que nous verrons comme mas'ali qui vont venir, certains seront des mas'ali, des sujets qui font partie de la jahiliya. Donc que celui qui accomplit ces actes-là s'expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne sera pas forcément mécréant. Il se peut qu'il soit musulman et qu'il ait certaines formes de la jahiliya, donc il sera obligatoire pour lui de délaisser. Alors que celle-ci, donc celui qui entre dans cette porte, celui qui entre dans la porte du shirk, alors celui-là aura délaissé l'islam, et celui-là ne fera pas partie des gens du paradis s'il meurt sur cet acte-là. Voilà pourquoi l'auteur, rahimahullah, nous dit que cet acte est le plus important et la base de toutes ces masaïl qui vont venir par la suite. Puis l'auteur, rahimahullah, nous cite la deuxième des mas'ala qui sera, bi'idhnillah, une mas'ala que nous prendrons dans le prochain cours en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son aide et son assistance, de nous préserver du mal de nos âmes, de nous réformer, de nous guider et de nous accorder la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma ahdina li ahsani al-akhlaqi wa al-a'mal fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wa qina sayyi al-akhlaqi wa al-a'mal fa innahu la yaqi sayyiha illa ant. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.